Un hôtel confortable. Alors, vous voulez la chambre numéro 10? Oui, monsieur. Ah, monsieur, l'hôtel du Canada est très confortable. Nous avons le téléphone dans toutes les chambres. Toutes les chambres ont une salle de bain. Nous avons le chauffage central. Parfait. Naturellement, il y a un ascenseur. Et l'eau chaude dans les chambres. Oui, mais aujourd'hui, le chauffage ne marche pas. L'ascenseur est là. Oui, mais aujourd'hui, l'ascenseur ne marche pas.